Agome. Onde diga? Nécessaire de signer le chèque qui doit nous unir. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Je croise en trois espèces chez l'homme la foi, la faim et la trahison. Je préfère agir avant de réfléchir, car le résultat n'est toujours pas le même. Pour une fois, j'enlèverai ma cravate pour m'introduire facilement dans la bourgeoisie ouvrière, afin d'avoir la conscience tranquille. Dites-moi, pourquoi achetez-vous des disques de blues? Est-ce par pitié ou parce que c'est bon? Le professeur Barnard est-il raciste? Ceux qui ont trouvé la bonne réponse ont gagné un cœur bien frais. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser à mes crimes, car je m'ignore et je veux vivre. Il est certain que je suis la foi, la faim et la trahison. Ne m'écoutez pas, car je veux rester unique. Je n'ai plus le moral nécessaire de m'écouter, car je lâcherai sur vous tout ce que j'ai d'intéressant. Bien sûr, la faim et la trahison. Je n'ai plus le moral nécessaire de rester là, car ce que je craignais et espérais est fait. Le le moral nécessaire se comprend et se fond malgré tout ce qu'ils font. Le moral nécessaire se confond et se fond malgré tout ce qu'ils ont. Le moral nécessaire se confond et se fond malgré tout ce qu'ils font. Le moral nécessaire se confond et se fond malgré tout ce qu'ils ont. Bourlou barou barou barou baba bou baba bou batu daba bou batu daba bou batu daba.